t'es sur les nerfs. Évite-moi même si on était ensemble hier. J'ai pas le time pour toi, je pense à ma carrière. Et ne me juge pas toi. On dit que t'as parlé dans mon dos, tu me dis que c'est pas toi. J'ai la haine comme tu sais pas toi. Ça dit la Honda, ça trahit les fatos. Mais dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Tu passes par la place et tu traces. Ils me font plein de coups de crasse. Les mots de mon cœur, je les dédicace. Mon fils, je suis dans le cas à Moscou. Ici les gars sont froids un peu comme à Moscou. Font plein de trucs bizarres comme j'ose pas faire. Ils m'appellent que quand y'a plein de coups de poudre. Je vais t'oublier, je vais t'oublier. Je vais t'oublier, je vais t'oublier. Je vais t'oublier, t'oublier. Avec tout l'on aime t'oublier. Je vais t'oublier, t'oublier. De nouveau retourne à mes billets. Je vais t'oublier. Je suis levé sur les nerfs. On m'a dit que l'amitié ça valait cher. J'ai de quoi la payer, pourtant je vais pas le faire. Poto, pourquoi tu me fais le faire? Et dans mon dos, tu sais pas te taire. Mon poto, mon poto. Mais on t'a cramé, t'as cru qu'on ne saurait jamais. Ouais, depuis qu'on m'a trahi, mon cœur est cellophané. Poto, moi qu'est-ce que je t'ai fait? T'as vu? Bah ouais, ça fait cet effet. Quand on t'a eu, quand tu te sens piégé. J'aurais dû les écouter. Je vais t'oublier, je vais t'oublier, je vais t'oublier, je vais t'oublier, je vais t'oublier, oublier. Avec tout on est mieux t'oublier, je vais t'oublier.